بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le cours numéro 14. Le cours numéro 14 dans l'explication des règles du chapitre du mariage tiré du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam Al-Sa'di rahimahullah. On a vu précédemment sept groupes de femmes qui sont interdites au mariage par la cause des liens familiaux, les liens de parenté. Ensuite, sept groupes de femmes interdites au mariage par la cause de l'allaitement. Et ensuite, l'auteur qui nous dit rahimahullah, وأربعون من السهري, et quatre groupes de femmes interdites à cause donc du mariage, donc par la cause de l'alliance. وهن, et elles sont, premièrement, أمهات الزوجات, les mères des épouses. وإن علونا, et donc la mère, les mères des épouses, et ainsi de suite, c'est-à-dire la mère, la grand-mère de l'épouse, etc. Et donc, à partir du moment où un homme se marie avec une femme, il lui devient interdit, walaykoum assalam, frawakatou, il lui est interdit de se marier avec la mère de cette femme. Et ceci, c'est à vie. Ça veut dire que même si son épouse, il a bien qu'il se sépare, ou alors qu'elle meurt, il n'a pas le droit de se marier avec la mère de son épouse. Et ceci à partir du moment où ils ont fait le contrat de mariage. À partir du moment où ils ont fait le contrat de mariage, cette femme lui est interdite. Ensuite, nous avons donc l'auteur qui nous dit rahimahullah, wa banatuhun wa in nazalna idha kana qad dakhala bi ummahatihin. Et donc, les filles de ses épouses, ou les filles de leurs épouses. Donc l'homme, lorsqu'il se marie avec une femme, les filles de cette femme lui sont interdites au mariage. À partir du moment où il a eu un rapport avec elle, à partir du moment où il a eu un rapport avec elle, à partir du moment où l'homme se marie avec une femme, les filles de cette femme deviennent illicites au mariage à cet homme, si cet homme a un rapport avec elle, si cet homme a un rapport avec sa femme. Ça veut dire que avant cela, exemple, un homme se marie avec une femme, il n'y a pas de rapport entre eux, ensuite il divorce. Et par la suite, l'homme veut se marier avec la fille de cette femme, eh bien oui, il peut. Elle ne lui est pas interdite. Parce qu'il n'y a pas encore eu de rapport. D'accord ? Donc on fait la différence entre la mère de la femme et la fille de la femme. La mère de l'épouse et sa fille. Concernant la mère de l'épouse, elle est interdite à partir du contrat de mariage. Et concernant l'épouse en elle-même, alors concernant la fille de l'épouse, elle est interdite à partir du rapport après le contrat de mariage. Et la preuve concernant ces deux donc femmes qui sont illicites, la mère de l'épouse et la fille de l'épouse, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala quand il cite les femmes interdites, wa ummahatun nisaikum, et les mères de vos épouses, وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ, ainsi que donc vos belles-filles, Rabiba, la belle-fille, donc celle dont tu t'occupes d'elle, donc les filles de vos épouses avec qui vous avez eu des rapports. Et donc concernant la fille de l'épouse, Allah a mis la condition que tu aies eu un rapport avec ton épouse. Mais concernant la mère, il n'a pas mis cette condition. Donc à partir du moment où le contrat de mariage est fait, la mère de l'épouse devient illicite à l'homme. Voyez, ensuite, troisièmement, l'auteur qui nous dit « Wazaoujatul aba wa in alaoun » les épouses des, donc, des pères. Les épouses des pères nous sont aussi interdites. Ça veut dire quoi, les épouses des pères? Et donc, ton père, par exemple, il se marie avec une femme qui n'est pas ta mère. Ton père se marie avec une femme qui n'est pas ta mère. Il t'est interdit de te marier avec cette femme. Pareillement pour ton grand-père, ainsi de suite. Il t'est interdit de te marier avec cette femme. Et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Sauf ce qui s'est déjà produit, donc les mariages qu'il y a eu déjà avant la révélation de ce verset. Certes, ceci est une fahisha. Fahisha, c'est-à-dire, c'est quelque chose de grave. Wa merkotan, c'est donc une cause de haine. Wa sa'asabila, et c'est une mauvaise voie. Donc le fait de se marier avec l'épouse ou l'ancienne épouse de ton père, cela t'est interdit. Donc le père d'un homme se marie avec une femme, ensuite il divorce de cette femme, ou alors le père meurt, l'enfant de cet homme n'a pas le droit de se marier avec l'ex-épouse de son père. Et certains savants, ils disent même que ce mariage est plus grave que la fornication. Ce mariage-là, il est plus grave que la fornication. Pourquoi ? Parce que concernant la fornication, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Et ne vous approchez pas de la fornication. Il dit Allah, ne vous approchez pas. Il n'a pas dit, ne forniquez pas. Il a dit, ne vous en approchez pas. Ça veut dire que tu t'éloignes au maximum de toutes les causes qui mènent à la fornication. Et ensuite, il nous dit, certes, celle-ci, c'est-à-dire la fornication, est donc une gravité, une fahisha, c'est quelque chose de grave, et c'est une mauvaise voie. Et donc, concernant la fornication, Allah a cité deux caractéristiques. Mais concernant le mariage avec l'épouse du père, l'ancienne épouse du père, là, Allah a cité trois caractéristiques. Le fait que c'est grave, le fait que c'est une cause de haine, et le fait que c'est une mauvaise voie. Et donc là, les savants, ils nous disent, ici, on voit clairement que le mariage avec l'ex-épouse du père est plus grave que la fornication. Et certes, certains savants, ils ont aussi cherché concernant la cause. La cause donc de l'interdiction. Pourquoi il est interdit à l'homme de se marier avec l'ex-épouse de son père? Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, il nous cite car cela va entraîner une séparation, un éloignement entre l'homme et son père. Et la haine entre l'homme et son père, car il est connu que l'homme, de manière générale, déteste les anciens époux de sa femme. Si sa femme, elle a eu des anciens époux avant, et donc elle va détester, l'homme va détester ces hommes-là. Ou il va ressentir quelque chose dans son cœur. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Et ici, lorsque cela concerne ton propre père, c'est grave. Et donc c'est une cause de haine entre le père et son fils. Et donc il n'est pas permis de se marier avec les anciennes épouses de nos pères. Taïeb, question. Si un homme, son père se marie avec une femme qui n'est pas sa mère, mais que cette femme a une fille d'un précédent mariage, et donc une fille qui n'est pas la fille de ton père, est-ce que tu as le droit de te marier avec elle? Avec la belle-fille de ton père. Est-ce que tu as le droit? Oui, tu as le droit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve qui montre que c'est interdit. Il n'y a aucune preuve qui montre que cela est interdit. Et donc oui, l'homme a le droit de se marier avec la fille de l'épouse de son père, qui n'est pas la fille de son père, donc qui n'est pas sa sœur. Ensuite, le dernier point qu'il a cité, parce qu'il avait bien dit quatre, donc le dernier point, وَزَرُجَاتُ الْأَبْنَى وَإِنْ نَزَلْنَا. Les épouses des fils. Les épouses des fils. Et donc, il est interdit à l'homme de se marier avec l'ancienne épouse de son fils. À partir du moment où il s'est marié avec, à partir du moment où ton fils s'est marié avec une femme, cette femme t'est illicite. Peu importe que ce fils, ça soit ton fils, donc, que tu as enfanté, ou alors ton fils par les liens du lait. Donc que ce soit le fils par les liens du sang, ou le fils par le lait, à partir du moment où il s'est marié avec une femme, cette femme elle t'est illicite. Allah tabaraka wa ta'ala qui cite les femmes qui nous sont illicites, et il dit « Wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum » et donc les femmes de vos fils. Les femmes de vos fils. Et ensuite l'auteur, rahimahullah, qui commence après cela à nous citer les preuves, parce que là il nous a cité, donc cette femme, comme on a vu précédemment, cette femme qui nous sont interdites par les liens de parenté, cette femme qui nous sont interdites par le lait, et quatre femmes qui nous sont interdites par la cause de l'alliance. Et ensuite, l'auteur qui nous dit, et la preuve, la base dans tout cela, donc la preuve dans tout cela, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, c'est un verset. Si vous voulez, pour résumer tout ce qu'on a vu, vous allez donc, sourate An-Nisa, le verset 23 et 24. Le verset 23 et 24. Et même avant, donc si je ne me trompe pas, donc sur la Tanissa, le verset 23, donc voilà, ça seront les versets 22 et 23, voilà. Et donc pour résumer tout ce qu'on a vu, vous allez donc dans sur la Tanissa, donc la sourate numéro 4, et vous allez à la page 81 du Coran, et vous aurez donc dans ces deux versets, toutes ces femmes qui nous sont interdites, qui nous ont été citées, donc les sept premières, ensuite, par rapport aux sept femmes qui nous sont interdites par la cause de l'allaitement, ces sept femmes-là, elles ne sont pas citées dans les versets. Par la cause de l'allaitement, il n'y en a que deux qui sont citées dans les versets. Les autres, elles sont citées dans un hadith, comme on a vu hier. Quel est ce hadith? Et d'ailleurs, l'auteur qui le cite après, l'auteur qui nous cite la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ainsi que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yahrumu min ar-ridha ma yahrumu min an-nasabi aw min al-wilada, muttafaqun alayhi. Il nous dit donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est interdit par la cause de l'allaitement ce qui est interdit par la cause des liens de parenté ou de l'enfantement, muttafaqun alayhi. Et donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allahu Ta'ala, et de non pas demain, parce que demain c'est Jumu'ah, on va faire Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah, Inch'Allah. Donc on reprend les cours sur le mariage lundi, Inch'Allahu Ta'ala, wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وجزاكم الله خيرا.